soudain et vorace. Comme un chien, l'amour m'a mordu. En suivant mon sang répandu, va, tu pourras suivre ma trace. Ce triste monde.